C'était le commencement d'une histoire, au point zéro de notre monde. Rien pour la nostalgie, tout pour l'espoir, juste de l'avenir pour se répondre. C'était la nuit des temps, la longue veille. Avant le mal d'Adam, avant le cœur de l'Ève, on venait d'annoncer que le soleil allait se lever sur la terre. Pour rattraper ce moment sacré, ce spectacle d'aurore et d'origine, sur une montagne ronde et usée, quatre yeux plongés dans le vide, juste là, immobile et silencieux, une grand-mère sur une souche, avec un enfant dépeigné, anxieux, attendant que le ciel accouche. Dans leurs pupilles, en reflets flous, là où le bleu s'appelle l'infini, on distingua l'entre chien et loup, du violacé et puis du bruit. Des dizaines d'hommes apparurent, tous en crayon et en cravate, se placèrent debout devant l'azur pour voir le paysage en face. Voyez cette forêt vaste et grouillante, les arbres aciers à chauffer et à vendre, le gibier qui court, les oiseaux qui chantent, à nous le bois, les fourrures et les viandes. Tout ce temps-là, sur la souche, en arrière, en témoin secret dans la rosée, gardait la pose, les yeux grands ouverts, la grand-mère et l'enfant muet. L'horizon coula son spectre vers le rouge. Encore des bruits, et cette fois-ci, des centaines de personnes marchant en couple, des femmes, des hommes, avec leur appétit. Voyez la vaste vallée à nos pieds, pour son sous-sol et pour ses fruits. Plantons les clôtures et les pancartes privées. À nous, la terre et ses profits. Le prisme coula jusqu'à ce que l'orange brille. Et dans le bruit, des arrivants par milliers, mères, pères et enfants des familles sans scrupules sur la propriété. Voyez la rivière et sa source et sa fuite pour la mise en bouteille pour les poissons, pour son potentiel énergétique. Toute cette eau sera à notre nom. Les familles élargies prirent le large, heureuses et se félicitant en laissant derrière elles le paysage et sur la souche les deux guetteurs patients. Enfin vint le jaune et le jaune jusqu'alors, jusqu'à ce que la ligne n'en puisse plus de retenir sa gestation d'aurore et que l'horizon se déchire en deux. Par l'ouverture, ils virent s'élever dans le ciel neuf, au grand réveil, l'assiette de toutes les clartés, la roue à aube, le soleil. Il nous restera ça. La grand-mère se décida à se placer debout devant le monde. Regarde, mon enfant, c'est la lumière. Et ça, ça appartiendra jamais à personne. À personne. C'était le commencement d'une histoire. Et à l'ordre du jour, devant les années-lumière, ébloui et plus riche que tous les prospères, il y avait l'enfant et sa grand-mère.